Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur 89.9 avec l'émission Bric à Brac à Idées. Et aujourd'hui, nous recevons le Théâtre du Sablier d'Orange. Nous avons le directeur. Bonjour, Prosper. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Bon, heureux d'être ici. Bon, bah, c'est gentil. Avec Marie, la chargée de communication du Théâtre du Sablier. Bonjour. Josie, oui, ma bonjour, complice. Oui, bonjour, ça va? Et notre technicien, Gilles, qui est aux commandes d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Il n'est pas madrouille, hein, il n'est pas parti en vacances. Il est là. Cet après-midi. Voilà. Cet après-midi, ça ne m'étonne pas. Donc, nous allons parler du Théâtre du Sablier, qui est, j'en suis sûre, le seul théâtre vivant dans toutes les petites villes du Vaucluse. Bon, Avignon, c'est autre chose, mais il n'y en a pas à Bolène, il n'y en a pas à Carpentras, il y en a... Il y a Orange. Ah, Orange, voilà. Donc, votre théâtre se trouve où, Prosper? Bah, il se trouve cours Aristide Briand. Donc, c'est le plus grand cours, c'est le cours qui... Voilà, le cours central de la ville. Voilà, quand on va à Orange, c'est ce qu'on voit de suite. Et combien de places avez-vous dans votre théâtre? Eh bien, c'est toute une histoire, ce lieu. Il y a 50 places. Pourquoi y a-t-il 50 places? Simplement parce que c'est un lieu qui a été ouvert en urgence lors de l'arrivée de l'extrême droite à la gestion de la ville. Et c'est le seul lieu qui n'était pas municipalisé, puisque auparavant l'équipe préalable avait tout municipalisé, et c'est le seul lieu qui était libre. Alors, en tant qu'homme de théâtre, mais aussi en tant que citoyen, parce que je ne peux pas défaire les deux, j'ai ouvert ce lieu qui a vu arriver toutes les associations existantes à l'époque, qui, bon, petit à petit, elles ont disparu, faute de soutien d'ailleurs. Oui, de moyens, oui. De moyens et de soutien. Et l'a reçu des grands hommes politiques tels Wolzel, Guigou, Bayrou et bien d'autres. Et au tout début, où il y a eu ce bouleversement dans la ville, sont arrivés le New York Times, Le Monde, Charlie Hebdo, enfin les plus grands journaux, les plus grands journalistes ont débarqué. Ils débarquaient où? Au Théâtre du Sablier. Ils débarquaient dans ce lieu qui était le seul qu'à pouvoir les accueillir à l'époque, et même maintenant. Non, ça continue. Ça perdure. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, l'histoire. Et ça a commencé en 1988. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, je crois que votre théâtre, c'est un théâtre associatif. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un théâtre associatif? Ben, associatif, c'est-à-dire que c'est un théâtre d'abord professionnel. Voilà. Moi-même étant professionnel depuis l'âge de 19 ans. Voilà, maintenant j'arrive quand même à 82 ans. Oh, vous les portez bien. Ouais. Et ben le théâtre, ça conserve. Ah ben voilà. Je le crois. On reste jeune dans le théâtre. Et ceux qui le fréquentent aussi restent très jeunes. C'est pour ça qu'il faut que, vous veniez. Venez. Voilà. Et bon, alors associatif, bon, ça veut tout dire et pas dire. Bon, je dirais plus précisément. Puisque c'est ma formation, c'est ma croyance aussi, encore à la période où j'en suis de ma vie, c'est un théâtre dans le sens populaire du terme. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce que les gens ne savent pas ou qu'on ne leur redit plus, et pourtant c'est un acte politique et culturel très important, après la Seconde Guerre mondiale a été lancé sur tout le territoire un grand mouvement de culture populaire. Bon, on va faire une petite pause et après on repart sur le théâtre associatif. Et la culture populaire. Voilà. Fly FM, le meilleur des villes, au cœur des années 80. Tomorrow, FM 89.9 avec le théâtre du Sablier et Prosper Dis et Marie Houzet qui viennent nous parler dans ce théâtre et de son programme, de voilà, ses événements, voilà, et tout ce que tu veux. Des cours aussi. On était en train de parler, Prosper, du théâtre populaire. Oui. Au sein de. Vous étiez en train de nous expliquer, ça nous a coupé un peu là tout à l'heure. Bah, je disais qu'après la Seconde Guerre mondiale, s'est lancé un grand mouvement à travers la France. De décentralisation théâtrale. Comme à Marseille, par exemple. Ouais. Marseille, oui. Il y a eu un monsieur dont on ne parle plus, qui s'appelait Monsieur Fontaine, qui a créé l'embryon de ce qui est devenu maintenant le théâtre de la Criée. D'accord. Bon, et vous savez très bien qu'au départ, il faut toujours quelqu'un. Quoi. C'est sûr, il faut un auteur. Ces gens-là sont partis à travers le territoire avec, comme disait à l'époque la chanson, leur valise en carton, hein, des copains, des copines, et ils sont arrivés à s'implanter, et à Saint-Étienne, où j'ai eu la chance d'arriver en tant que jeune comédien, après avoir été formé par l'école de Strasbourg, je suis tombé sur un homme remarquable, un des plus grands qu'il y a eu, au même titre que Jean Villard, qui s'appelait Jean Dasté, et avec lui j'ai fait tout le parcours de ce qui était le théâtre populaire, et nous étions arrivés à faire en sorte, à l'époque où Saint-Étienne était une ville très industrielle, on était arrivé à avoir plus de 5% de public ouvrier dans la salle. Ah oui, c'est ouais, donc c'est étonnant. Voilà, c'est comme les agriculteurs, hein, il faut labourer, il faut ensemencer. Bien sûr. Donc c'est un travail à long terme, c'est un travail de tous les jours, de pugnacité. Et bon, j'ai eu la chance de vivre cette période. Et donc ce que moi j'essaye de faire à Orange, c'est pas d'imiter, mais c'est de me nourrir de cette culture. Et si elle a pu se mettre en place, c'est grâce à une dame dont on ne parle plus jamais, qui s'appelait Jeanne Laurent, et c'est elle qui a amené le gouvernement de l'époque à octroyer des subventions pour que ces places fortes qui naissaient de théâtre vivant en province puissent s'adresser à tout le monde, et notamment aux plus démunis financièrement parlant, parce que l'argent ne doit pas être un interdit d'accès à la culture. La culture, c'est un bien comme l'éducation, comme le travail, ça doit être vécu et conjugué de la même façon. Est-ce que Marie peut nous dire de quelle subvention vous vivez ? Alors, on a des subventions de la part du département, de la région, de la CAF. Cette année, malheureusement, la DRAC s'est retirée. C'est quoi la DRAC ? La DRAC, c'est la Direction des Affaires Culturelles. Direction régionale des Affaires culturelles. D'accord. Voilà. Qui est le représentant du ministère de la Culture en province. Culture. Ben oui, il n'y a plus d'argent, donc... Et enfin, on a l'Agence nationale pour la cohésion sociale, qui fait partie de la préfecture de Vaucluse, qui apporte également des aides. Donc, je crois que vous faites beaucoup de choses dans ce théâtre, hein, auprès des gens pour l'alphabétisation. Ben, j'arriverai pas à le dire. C'est ça. J'ai besoin de cours de théâtre. voilà, des cours de claquettes. Oui, c'est ça. Je crois que vous faites de la lecture à Fourchevieille à la bibliothèque Diderot. C'est ça, exactement. Voilà. Et je crois qu'on va faire une pause et après nous parlerons des intervenants qui donnent des cours donc dans votre théâtre. Tout à fait, oui. À tout à l'heure. Merci. Fly FM. Fly FM. Au cœur des années 90. Break of dawn, come. voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec le théâtre du Sablier et nous parlions de cours. Donc, quel genre de cours vous avez ? Claquettes, théâtre Mais essentiellement, au départ, c'est théâtre, puisque nous sommes un théâtre alors d'état avec toutes les catégories d'âge, les enfants, les PA, on monte même comme ça jusqu'aux papis, adultes. Les mamies. Voilà, on monte jusqu'aux adultes comme ça. Donc, on a différents ateliers suivant les tranches d'âge. Et puis comme on est le seul lieu de théâtre vivant dans la ville, il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent, est-ce que je pourrais faire chez vous des cours de claquettes, est-ce que je pourrais faire chez vous des cours de chant, des cours de voix? Alors, bien sûr, nos portes sont ouvertes et nous accueillons tous ces artistes qui sont en souffrance quand même. Et, d'accord, et hein. Vous accueillez apparemment aussi des groupes scolaires? Oui, ben c'est je dirais c'est le point de départ, c'est comme une famille. Les enfants, bah, c'est notre présent et c'est déjà notre avenir. Bien sûr. Il faut s'intéresser à eux avec beaucoup d'urgence et beaucoup de pugnacité et si possible d'intelligence et de tact pour que humblement, par rapport à ce que nous sommes, nous les mettions sur la bonne voie. Sur la bonne voie pour qu'ils aient au moins en eux une qualité qui pour moi est la qualité première que doit avoir tout individu et que tout parent devrait développer chez leurs enfants, c'est la curiosité. Tout à fait, l'ouverture sur les autres aussi. Voilà. Et je crois que vous allez jusqu'à Caderousse et tous les villages aux alentours. Ben on essaye, essaye Caderousse, puis on va jusqu'au Japon. Oh. Au Japon. Puisque... j'ai eu la chance et j'ai bientôt encore la chance d'y retourner pour la quatrième fois où je reste là-bas, travailler avec une équipe. Mais alors les Japonais, c'est différent de nous. Ils sont pluriels dans leur profession. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs, ils sont musiciens, ils sont chanteurs, ils sont danseurs. Donc on a affaire un peu à un théâtre entre guillemets total, quoi. Alors j'ai eu la chance de les connaître au Festival d'Avignon il y a longtemps, hein, à une équipe qui venait et qui faisait un travail vraiment remarquable, qui est le théâtre de la Tente Noire, qui est basé à Tokyo même. Et grâce à eux, périodiquement, je vais là-bas, pendant 2-3 mois, je fais une mise en scène. Alors j'essaie d'y aller avec une pièce française, justement, contemporaine, si c'est possible. Et dans le texte en français ? Oui, texte en japonais. Bon, alors, bien sûr, je ne parle pas japonais, malheureusement. Oui, ça doit être difficile. C'est très difficile à apprendre. Mais bon, j'ai quelqu'un qui traduit fidèlement. Voilà, et puis pendant 2-3 mois, ben, on œuvre, on commence par du travail physique, vocal, le matin. Donc c'est des ateliers de formation le matin, et l'après-midi et le soir, on répète. Mais je dois dire que ce sont des gens étonnants, vraiment étonnants. Ce sont des gens qui travaillent du matin jusqu'au soir. Oui. Comme ça, mais c'est dans leur gène, c'est complètement dans leur gène, et puis dans leur la façon d'être, leur ADN, dont ils sont dans la vie, quoi. Donc comme ça, puis en plus de ça, ils sont charmants, ils sont adorables. Voilà, et puis c'est pour moi qui l'ai découvert, même si j'ai pas eu le temps de faire le touriste. j'ai découvert un pays merveilleux, une langue merveilleuse, des gens adorables et des créations théâtrales et autres en japonais qui m'ont subjugué, quoi, tellement il y a de la qualité. Voilà, donc c'est pour moi, c'est devenu une deuxième patrie de laquelle je me nourris aussi, et j'espère bien que les relations continueront à se développer. Voilà. Est-ce que c'est facile de faire vivre un théâtre ? Très dur. Hein, je pense qu'il faut avoir une énergie hors du commun, hein, et oui, savoir tout faire. Très dur, peut-être très un dur peu, parce que d'abord le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, tout à fait. Hein, oui. Pour tout le monde, bien sûr. En quoi que ce soit. Oui. Or, là, si je prends pour nous le retrait de la DRAC dans le soutien, modeste soutien. Oui, vous aidez beaucoup, oui. Alors bon, j'ai été les voir dernièrement, j'ai dit, ben, je voudrais un peu d'argent pour pouvoir faire des proposer pour les adultes une programmation plus ample, plus abondante et de grande qualité, parce que ce public est coupé de tout. est coupé de tout. Nous sommes les seuls à pouvoir leur offrir ce type de théâtre, puisqu'en face, ils n'ont qu'au théâtre ce soir, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Bien sûr, hein, oui. Voilà. Tout le monde a le droit de vivre. Hein, voilà, ouais. Absolument. Mais la réponse a été négative. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Non, il y a de l'argent. Il y a. J'ai plaidé pour les matinées scolaires, pour les ados, c'est important. Qui sont complètement abandonnés, c'est notre présence et notre avenir très proche. La réponse a été négative. J'ai plaidé pour les tout-petits à travers notre festival Charivari, qui a eu lieu ce week-end. Et là aussi, la réponse a été négative. Alors là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus que tout d'un coup, la notion de théâtre populaire et d'incrustation là partout où on est, pour que les gens puissent avoir naturellement accès au théâtre et des facilités d'accès au théâtre, tout d'un coup, l'argent nous interdit et nous coupe un peu dans notre progression. Quoi. On va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. On parlera de votre prochain spectacle. Oui. Xavon de Marseille. Voilà, Xavon de Marseille. C'est très rigolo. Ouais, c'est drôle. Jeu de mots. J'adore. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Les rafales ont déchiré mes vêtements, mais il me reste encore des sentiments. Nos vies reposent sur des casques en métal, je m'endors dans l'asphyxie générale. Je fais des rêves comme si j'avais 1000 ans, un jour je pèle, le lendemain je mens. Et comment fais-tu pour t'endormir sans moi? Et comment tu fais pour t'endormir sans moi? De nouveau sur Fly FM 89.9 avec le Théâtre du Sablier, Marie et Prosper. Je crois que vous avez ce week-end une représentation qui est vendredi et samedi, qui s'appelle le Zavant de Marseille avec Xavier Adrien Laurent. Marie, vous pouvez nous en dire un peu plus s'il vous plaît ? Oui, alors dans ce spectacle, en fait, Xal, donc Xavier Adrien Laurent, détourne un petit peu les clichés marseillais se pose la question, est-ce que lui, il est véritablement marseillais puisqu'il n'aime ni le pastis, il n'aime pas les cigales, il n'aime pas le foot. Donc du coup, il va se poser la question, est-ce que je suis vraiment marseillais ? C'est plutôt une comédie. C'est ça, exactement. C'est poétique, hein, poétique et très drôle. Et est-ce qu'il est tout seul en scène ? Il est tout seul. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que quand même, le texte est à la fois de lui et de Gilles Ascaride, qui est quand même un nom sur Marseille, grâce à sa sœur. Oui, je me suis posé la question, est-ce que parce que c'est pas un nom bien courant. Sœur, hein. Voilà. Et que Gilles est considéré comme un des auteurs les plus importants. Et en même temps, Gilles est comédien, très bon comédien d'ailleurs. Il est déjà venu jouer au Sablier, donc on a une relation très fraternelle avec lui aussi, en plus. Quoi. Et si on veut donc aller voir ce spectacle, on vous appelle ou on réserve ? Comment ça se passe pour les réservations ? On peut réserver par téléphone ou par mail. Oui. Donc le numéro du théâtre, c'est le 04 90 51 05 94. Ou sur prod@theatredusablier.com. On a aussi un site internet qui est www.theatredusablier.com pour en savoir plus. Et après Xavant de Marseille, quel est le prochain spectacle ? C'est La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès, qui est un de nos grands auteurs. Il a disparu malheureusement, mais un de nos grands auteurs contemporains. C'est une pièce, La nuit, c'est peut-être sa pièce la plus connue. C'est pour un personnage. La pièce est jouée par Frédéric de Golfiem. Ce n'est pas parce que c'est un de mes anciens élèves que je dis ça. Mais il est super. Il est considéré par les critiques de théâtre de France et de Navarre. Il est considéré comme un des tout premiers comédiens de sa génération. Donc on est sûr d'avoir déjà une pièce formidable, avec deux qualités, un acteur formidable, de qualité, et qui est aussi, je rappelle, Xavon comme La nuit, ce sont des équipes PACA. D'accord. De la région. De la région. Très important. C'est vrai que on aime bien ce qui se fait bien dans la région. Mais bien sûr, il faut se mettre quand même en valeur. Hein. Et ensuite, votre prochain après la nuit, c'est... Ben après, c'est le cabaret de Noël. Alors, c'est un peu spécial. C'est quelque chose que j'ai tenu. Est-ce que c'est les enfants en place. C'est les enfants. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les cours. Hein. Voilà. Et c'est le premier regard que les parents peuvent porter sur leurs enfants après deux mois, disons, de pratique théâtrale. D'accord. Voilà. Alors d'un coup, et en général, c'est un regard un peu nouveau. Ouais, et surpris peut-être aussi. Ouais, surpris, hein, Et comme pour les enfants, d'avoir leurs parents dans la salle, c'est aussi quelque chose qui fait que c'est nouveau. Et ça, tout d'un coup, ça crée un lien plus particulier entre l'enfant et le parent. Et donc, dans le dialogue, les rapports et tout, ils apprennent à mieux se connaître, à mieux se parler, à s'écouter d'abord, parce que dans la vie, on n'a pas le temps. Pas trop. Malheureusement. Mais bon, c'est ça, c'est... ils grandissent ensemble. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait le cabaret de Noël. Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants en cours ? Oui, on refuse. Cette année, vous n'avez pas le temps, la capacité de... On n'a pas la capacité, surtout financière. Oui, bien sûr. Parce que la capacité physique, on peut la trouver. La capacité de quelqu'un de qualifié qui s'en occupe, on peut trouver. Bien sûr. Mais c'est l'enveloppe budgétaire qui nous interdit d'aller plus loin. Oui, bien sûr, sinon, on pourrait multiplier les ateliers par trois très facilement. Oui, c'est vraiment dommage. Oui. Et donc, ensuite, vous avez le... Cosimon. Jean-Roger Cosimon. Oui, voilà. Ça, c'est en janvier, parce qu'à peu près, il y en a un par mois. Voilà. Hein, oui, justement, je voulais vous demander, les spectacles, c'est un par mois. Oui, voilà, c'est pour moyenne, ça que vous faites. Et vous n'avez qu'une représentation ou plusieurs représentations? Deux chaque fois, le samedi et le dimanche. Et oui, sauf là, au mois de janvier, il y en a trois. Ah, on a que 50 places. Oui, bien sûr, oui, oui, je comprends bien. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est pas... Bon, alors Cosimon, les gens retiennent surtout Léo Ferré. Hein, c'était son parolier. Mais c'était le parolier préféré de Léo Ferré. Donc c'est une pointure. Voilà, il avait. Léo Ferré était venu par hasard l'écouter à l'époque au Lapin Agile, qui était le lieu de rendez-vous d'artistes qui démarraient. Comme ça, dans la chanson, dans la poésie. Et après le tour de chants et de poèmes de Cosimon, Ferré est venu le voir, lui a dit, est-ce que je pourrais mettre en musique vos textes? Il ne se connaissait pas, hein. Et Cosimon ne connaissait pas Ferré du tout. Alors l'autre, Cosimon, qui était quelqu'un de très pudique, il dit, si vous voulez, oui, moi je veux bien. Et ça a donné de belles choses. Voilà, et ça a donné des choses. Et c'est vous, Prosper, qui allez nous faire vivre ça. Voilà. Et comme je l'ai fait il y a quelques années pour Mouloudji, parce que je trouve que ce sont des artistes qui ont compté dans la trajectoire culturelle du pays et dont on ne parle plus. Mouloudji, par exemple, c'était, puisqu'on en parle beaucoup, même à l'heure actuelle, c'était l'exemple parfait de l'intégration, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et grâce à quoi? Grâce à la poésie. La poésie, c'est quand même... Je crois que la culture, aide beaucoup. Vous dire ça, il y en a qui vont peut-être sauter devant leur poste ou à l'écoute. Mais c'est le centre du monde de la poésie. Bien sûr. Tout est poète. Hein, moi, un jour, à Valréas, je me trouvais avec un paysan dans son champ. Comme ça, il y avait des nuages qui passaient, ça faisait des grandes taches sur son périmètre tout vert. Et il me dit, tu vois, Prosper, on dirait que dans mon pré, il y a un troupeau de vaches. C'était de la poésie. Voilà, bon, et ça, c'était de la poésie. On va faire une petite pause et on continuera tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. We'll be right back. voilà revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées et le théâtre du Sablier. Donc, comme nous sommes partenaires dorénavant, tous les mois nous parlerons de votre spectacle. Merci. Mercredi avant le spectacle, on le mettra sur notre page Facebook et on essaiera d'en parler au maximum. Voilà. Et à la fin de l'émission, on récapitulera comment on peut vous contacter. Bon, maintenant tu veux nous parler d'un film. Vas-y. Oui. Alors, ceux qui ont lu les livres, bon, à la limite, ils peuvent aller voir ce film. Je crois qu'il n'est pas tiré d'un livre, qu'il a été inventé uniquement pour ce film-là. C'est Bridget Jones, Baby, excusez-moi, j'ai une bronchite, qui sort le 5 octobre 2016 de Sharon Maguire avec René Zellweger. Oui, Zellweger. Écoute-moi l'anglais. Patrick Dempsey, qui joue éventuellement dans le film, la série Grey's Anatomy. Et là, alors bon, ben, ça y est, elle a rompu avec Marc, Bridget, elle se retrouve de nouveau célibataire, elle a 40 ans passés, elle est concentrée sur sa carrière, ses amis et sa vie amoureuse, pour tout est contrôlé. Mais jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Jack, puis elle retrouve Darcy. Et là, elle découvre qu'elle est enceinte, Claudie. Mais de qui? Eh ben, allez voir le film, et peut-être vous le saurez. J'ai vu le lancement, oui, en effet. Ce troisième volet... Elle est un peu légère. Oui, je crois qu'elle a toujours été un peu légère. Ce troisième volet des aventures de Bridget, eh ben, nous permet de retrouver une vieille amie, les héroïnes imparfaites du cinéma, celle à laquelle tout le monde peut s'identifier. Avec elle, on retrouve également sa maladresse, sa propension à mettre les pieds dans tous les plats et à regarder le monde avec recul. C'est vrai que des fois, elle se met dans des situations. Et l'acteur Patrick Dempsey, mondialement connu pour son rôle dans la série Grey's Anatomy, a rejoint le casting de ce film en tant que rival de Marc Darcy, qui est joué par Colin Firth et succédant ainsi à Daniel Cleaver, qui est Hugh Grant, qui ne joue pas effectivement dans ce film. Voilà. Bon, mais moi, je vais parler de l'exposition organisée par les Papillons à Carpentras. Ah, les Papillons. Parce que Gilles m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas trop. Voilà, les Papillons s'envolent. C'est une exposition, c'est l'exposition de clôture du Festival d'art contemporain. Les Papillons à Carpentras, à la chapelle du collège. Il y a 20 toiles qui ont été remarquées par le jury en 2016, par le vote du public et par le plus jeune participant. C'est du 3 octobre jusqu'au 29 octobre, donc c'est encore ouvert. Alors du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Bon, pensez-y, c'est le Festival des Papillons, c'est ça. Alors le téléphone, c'est 09 80 38 71 79. 09 80 38 71 73. Mais et toi, si tu parlais du théâtre d'impôts. Ah, tu veux que je parle du théâtre d'impôts. Si tu veux. Oui. Alors, on avait reçu, alors attends que je le revienne, voilà, on avait reçu Nico. L'année dernière, il y avait Nico, Carlito et Pierre. Oui, il y en avait que deux, je crois. Voilà. Non, il n'y en avait que Nico qui venait. On avait fait venir Nico, mais on était allé voir sur scène. Et il faut savoir qu'il repasse à Avignon du samedi 1er octobre au samedi 26 novembre, au 14 rue de la Plaisance. Aller au théâtre de l'impro chez Laurette, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, c'est pour tout public. Il y a de l'improvisation. Donc, je ne vais pas tout vous dire. Vous tirez des petits papiers. Oui, c'est rigolo. Et ils improvisent directement en fonction du mot que vous avez tiré sur la scène. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est préparé. Il faut le faire. Voilà, c'est de l'improvisation totale. Ah, je vais quand même donner peut-être... attends, que je le retrouve. Parce que... Non, j'avais pas le téléphone. Tu l'as, Claudie? Oui, je l'ai. Alors, vous pouvez appeler au 09 53 01 76 74, 09 53 01 76 74 ou 06 51 29 76 69, 06 51 29 76 69. Mais si vous avez un ordinateur, vous allez les chercher, vous les trouvez et voilà, et c'est gagné. Oh, je crois qu'on fait une pause. Oui. À tout à l'heure. Fly FM, le meilleur des hits. Fly FM, au cœur des années 90. Tout de suite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hits, sans pub. Elle m'a souri quand le jour m'a déposé contre son autre. Autre. Quand elle me dit s'il te plaît laisse-toi aller, on ne vivra plus jamais l'un sans l'autre et je me perds, je la laisse faire et je saigne quand elle me serre contre elle. À tort, à raison, je sais qu'elle tient mes rêves défi, je reviens la démasquer. Elle se retient d'essayer. Côte à côte comme les autres, loin des sourires, loin de nos rêves éveillés. Elle fuit la réalité comme les autres. Et je me perds, je la laisse faire. Et je saigne quand elle me serre contre elle. Attends, a raison, je sais qu'elle tient mes rêves. Et je saigne quand elle me serre contre elle. Attends, a raison, je saigne quand elle me serre. Fly FM 89.9. Claudie, moi je vais vous parler. Je voulais parler d'abord de. Vas-y, parle, voilà. Parle de ton comme livre. Comme c'est dans le cadre de la culture, c'est à Monteux le dimanche 16 octobre à 15h. C'est dans le cadre Soif de culture. Vous pouvez aller au château d'eau, voir la pièce Touche pas à ma truffe par le collectif Arithmos et la ville de Monteux. Mais des invitations gratuites pour les personnes à faible revenu. Vous pouvez vous renseigner auprès du CCAS au 04 90 66 97 03. 04 90 66 97 03. Voilà. Moi, je vais parler des fossiles. C'est à Pernes-les-Fontaines. Il y a des fossiles ? Des fossiles et les minéraux. Non, je plaisante. C'est autre chose, carrément. C'est la 7e bourse exposition des fossiles et minéraux qui a lieu à Pernes-les-Fontaines, donc ce week-end, le 15 et le 16, de 9h30 à 18h. Et c'est organisé par l'association paléontologique au Centre culturel des Augustins. Avec une exposition, une vente de centaines de minéraux, des fossiles, des pierres plus ou moins précieuses, des météorites. Il y a une vingtaine d'exposants. Et donc, je répète, au Centre culturel des Augustins. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent à Pernes. C'est très, très vivant, oui, Pernes. Chaque fois, je trouve quelque chose sur Pernes, moi. Tous les week-ends. Mais moi, je te parle de mon livre. Parce oui, que vas-y, Claudie, parce que voilà. Sinon, en plus, tu n'y arriveras jamais à parler. Voilà, ça d'un fait livre. Trois fois. Je le reporte. Ça s'appelle Les tricoteuses du bord de mer. C'est un roman de 2013. Et c'est le premier d'un triptyque. C'est Gilles McNeil, c'est l'auteur. Elle a écrit plusieurs romans, dont trois de la série du Club des tricoteuses du bord de mer. Elle est diplômée en histoire. Elle a travaillé dans la publicité, le cinéma et l'édition. Voilà, c'est un roman reposant, très anglais, avec ses litres de thé avalés qui font du bien et qui soignent tout. C'est, allez, une petite tasse de thé et tout s'arrange. Alors l'histoire, c'est Jo qui vient de perdre son mari, dont elle allait se séparer, et décide de tout quitter, tout changer. Elle est seule avec ses deux jeunes enfants et des finances dans le rouge, donc elle doit changer de vie. Elle quitte Londres avec ses fils et s'installe dans la ville de son enfance, au bord de mer, donc, près de sa délicieuse grand-mère Marie, qui lui cède sa boutique de tricot. Ouais, je l'ai lu, dans une petite station balnéaire. Alors, Jo rénove la boutique, la rajeunit, la met en valeur. Elle crée un club de tricoteuses et se fait de nouvelles amies, des femmes de caractère. Il y a une star de cinéma, une Italienne qui est restauratrice et sa vieille amie, présentatrice de télé. Ces femmes de tout horizon parlent de leur vie, de leurs enfants, échangent quelques ragots autour de la cheminée et accessoirement apprennent à tricoter. Mais justement, moi, ça m'a donné envie de tricoter. C'est marrant. Alors, c'est un vrai trésor de tendresse et de moments de tricot. Il faut dire que l'éditeur précise que cet auteur britannique descend d'une longue lignée de championnes de tricot. Voilà. Je l'ai lu et c'est vrai que c'est, ça revient à la mode. C'est rafraîchissant. L'autre fois, j'étais dans une salle d'attente et une dame qui a sorti de son cabas son tricot et vas-y qu'elle a, elle a tricoté. Ouais. Voilà, on a eu le temps d'attendre parce qu'il y avait 2 heures d'attente. Non, mais c'est vrai que ça, ça m'a donné envie de. Et en plus, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est un roman. C'est, oui, c'est le genre de film. Ça change un peu des thrillers que je lis d'habitude. Ça m'a reposé. Voilà, tu as encore quelque chose à nous dire Si vous avez. Ça, c'est pour les mamans. Les Vies de Poussette, qui a lieu à Lille-sur-la-Sorgue pour les 0-16 ans et qui est organisée par l'association Les Bouts de Chou de la Sorgue. C'est de 9h à 17h sur le parking du complexe. Et vous pouvez avoir les infos au 06 24 53 79 93 à Lille-sur-la-Sorgue pour vendre les poussettes. Oui, voilà, bien sûr qu'on ne s'en sert plus. Bon, on va faire une petite pause. Oui, Claudie. À tout à l'heure. She's Miss California. Heard a thing who wants to lay housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant même si tout nous oppose, raison, tentation. Pourtant j'hésite lorsque je plonge dans ses yeux noirs. C'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Superficielle je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Et elle m'a emmené. J'ai voulu tenter le coup. Avec elle j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9. Et qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi, Josie. Oh ben pour ceux qui sont super forts en orthographe. Bah ben nous, hein, on l'avait fait la dictée à L'Oréal. Oui, on l'avait fait. On n'avait pas eu beaucoup de fautes non, en plus. Deux. Je crois qu'on en avait fait deux. Oui, ça n'était bien tiré. Ben vous avez la dictée de l'automne à Jonquière, qui se trouve donc salle du centre socioculturel. C'est vendredi 14 octobre, donc ce vendredi à 18h30. Et c'est ouvert, inscription gratuite sur place, c'est ouvert aux adultes et aux ados. Il faut quand même y aller à 18h. Et c'est une dictée organisée par la municipalité en partenariat avec la bibliothèque À Tout Lire. Eh ben, c'est bien. 14 octobre, 18h. 14 octobre, alors c'est vendredi? Ouais, vendredi. D'accord. Au centre socioculturel. J'ai le temps de parler d'un lieu insolite. Enfin, tout le monde le connaît. Hein, chaque région a ses légendes. Donc, je vais vous parler de l'exurgence et non résurgence, comme communément appelé au corps de Vallée-Sclosa. C'est le nom, la Vallée-Clause, qui a donné lieu au département. Donc, je ne connais pas, moi. C'est quoi? Ben, c'est la. Vas-y. Mais c'est la Fontaine de Vaucluse. Ah, excuse-moi. Oui, je connais. Je suis resté sans gouffre profond et sombre d'où jaillissent comme par magie les eaux en torrent au printemps, a toujours fasciné. C'est un lieu d'offrande, d'équipe combat, d'épique combat de Saint-Véran, qui était l'évêque de Cavaillon contre le Coulombre. Des amours de Pétrarque et Laure, la fontaine est aussi le théâtre de la légende de la nymphe gardienne de la fontaine. Tu le savais ça? Non. Mais moi non. Qui montra à Basile, jeune ménestrel, le secret des sept lieux, avec les sept diamants qui, lorsqu'on les retire du fond de la fontaine, font jaillir les flots bouillonnants dont l'écume scintille au soleil. Ça, c'est de la poésie. Oui, j'allais dire, voilà. C'est poétique tout ça. Donc, des scientifiques ont cherché. Donc, oui, il y a eu des plongeurs qui sont posés. Mais ils n'ont jamais trouvé. Donc, ce mystère reste entier. Et moi, je trouve que c'est très bien. Parce que si on explique tout, il n'y a plus de, mystère. Et c'est bien dommage. Oui. Voilà. Faut découvrir. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait encore des questions à se poser. Bon, on va se quitter. Donc, est-ce que vous pouvez récapituler le spectacle qu'il va y avoir le vendredi? Je crois qu'il faut vous dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc, c'est Xavon de Marseille. Oui, c'est ça. Donc, Xavon de Marseille. Ensuite, il y a La Nuit juste avant les forêts. Il y a Cosimon. Le Flamenco. Non, continue. Il y a aussi attirer le regard et l'écoute surtout sur un spectacle flamenco de Luis de la Carrasca. Les cinq étoiles ne suffisent pas pour exprimer la beauté de ce spectacle. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein, vous nous envoyez chaque fois votre programme et nous, on en parlera. Donc, Xavon, c'est à quelle heure et quel donc, jour? Donc, c'est ce vendredi et ce samedi, donc 14 et 15 octobre à 20h. Et donc, pour retenir les places? Alors, vous pouvez appeler au 04 90 51 05 94. 04 90 51 05 94. Et vous avez plus d'infos sur notre site internet www.théâtredusablier.com. Voilà, bah écoutez, on vous remercie. Claudie, prochain vous remercie. Merci à vous. Merci, monsieur et madame. Merci beaucoup, Prosper, Marie. La semaine prochaine, c'est Olivier Fraise, c'est la MJC de Monteux qui fait aussi beaucoup de choses pour les jeunes. Donc nous allons recevoir le président, parce que c'est une association aussi. Et la rediffusion de cette émission, c'est vendredi à 14h. Et dans quelques temps, vous aurez le podcast sur notre site qui est en rénovation, voilà. Qui est en création plutôt. Donc dès que je le sais, je vous le dis. Et je vous remercie de votre venue et à bientôt. Merci Gilles. Au revoir à tous. Au revoir. Au plaisir de vous revoir. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. He was out there living his life. I was stuck in here. I had no clue that I was only running from my fears. Boy, did I deserve this feeling. It's like I see you everywhere, but got no signs of you living. Like I've been stuck in here forever, baby. Ooh, but I don't wanna cry no more. I'm sick of waiting on ya. Changing weather, changing me. I can't decide. Small, I'm craving for more. I deserve better than you have given me before. Trying to keep me near won't be the right decision. I get out of here and follow signs that I'm receiving. Oh, 'cause it feels like I've been stuck in here forever.